Chaque année, je compte les anives restants. Je me sens vide comme une manif sans manifestant. La voix cassée, ça fait du bif, mais s'en fait pas assez. L'avenir est cadenassé parce que nos passés sont fait tabasser. Trop de raisons barrées, la rue fait deux, toi son valet. Y'a que les pensées qui sont libres en maison d'arrêt. Et ce putain de miroir me montre ce que m'a fait le temps. Le cœur plein de seum, les mains pleines de sang. Et je veux pas fumer terre, les poumons parfumés d'air. Je me rappelle que je suis qu'un homme à chaque putain de marche funéraire. Les tarots, les carottes, les calots, les barreaux. Voix mère depuis villa, du sang depuis des carreaux. Et putain de merde, je vais finir dignitaire. J'suis plus vraiment pourquoi je me bats, non. J'suis comme un militaire, que des affaires à chier. Et les frères, sachez que vous n'êtes pas d'or, vous n'êtes que de fer, sachez. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus dire un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes de piano. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus dire un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes de piano. Et si le passé a déteint, ça veut pas revenir à ses fins. À venir à ses flous, mais je pense qu'il y a eu assez de flingues. Des regrets dans la voix, la fin j'ai pas voulu la voir. Des thunes dans un sac, des remords mal pliés dans l'armoire. À coups de barre, respecte où je pars. J'ai pas changé intégral max, t'es noir depuis le boulevard. Ça négocie dans un café, on va te refaire. Mais s'il faut te faire, on va te faire. Rien à foutre de ce que t'as fait. Avant le clic, ils ne font que des parts. Moi, j'ai mon équipe type dans le chargeur, j'ai mon 11 de départ. Pour réussir ici on a secoué de pommier. Des cagoules, un plan, on va soulever le taulier. Tout ce qu'on a bravé man, ça passe de vol, la violence a gravé mal. Les yeux qui brillent, avenue Foch. Ce qui est à toi sera à moi. Phare éteint, 2.20 sur la voie de gauche. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus tu un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes de piano. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus tu un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes de piano. Et t'as peut-être pas compris qu'on fait rire quand on périt. La paix c'est pour ceux qu'on peut rien à conquérir. Inaudible, bruit sourd dans le coffre de l'automobile. Y'aura des putains de corbillards et des putains de larmes de crocodile. Toi t'es rien sans moi, moi j'suis pas rien sans toi. Ça sera pareil si tu te refais la scène 500 fois. Dans ma diction j'n'ai que mes convictions. Nique ta grand-mère tes conditions. Tu veux négocier, bah paye l'addition. Et j'suis tout seul sur ma comète. Y'a ceux qui font, ceux qui promettent. Ah mon pote il fait un temps j'étais honnête hein. La vie de ma mère gros et sans en faire trop. Dans la légalité putain qu'est-ce qu'on s'emmerde. Gros. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus tuer un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes de piano. Parano, comment ça va starner? Les rois changent, je ne sais plus tuer un putain de ça va starner. Sous ce ciel rouge, on viendra s'installer. Quelques balles, quelques lames, quelques notes.